بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On s'est arrêté donc à Bab al-Aniya, le chapitre des récipients. Remarquez ce qu'ils appellent le tartib al-mantiqi, l'organisation logique, le classement logique des livres de fête. On lit le chapitre de la purification, d'accord? On a commencé par le chapitre des eaux. T'as besoin de quoi pour faire le wudu? De savoir si l'eau, tu peux faire le wudu avec ou pas. Ton eau, tu vas la mettre dans quoi? Dans un récipient. Donc le deuxième chapitre, c'est quoi? Bab al-Aniya, le chapitre des récipients. باب الآنية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. Il n'est pas, Ibn Qudama, il a dit, rahimahullah, dans le fiqh, il n'est pas permis, il est interdit d'utiliser des récipients d'or et d'argent pour se purifier ou pour faire autre chose que cela. C'est-à-dire, ni pour manger, ni pour boire, ni pour décorer, ni pour quoi que ce soit. Les récipients d'or et d'argent. À cause de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Et ne mangez pas dans des plats d'or ou d'argent. Car ils sont pour eux, c'est-à-dire pour les kofars, dans cette vie d'ici-bas, et ils seront pour vous dans l'akhira. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Hudayfa. Et dans un autre hadith, rapporté par Salama, an Ummi Salama, radiallahu anha, et le Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, قال: Inna alladhi yashrabu fi aniyati al-fiddati, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, muttafaqun alayh. ولي مسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة أم سلمة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui boit dans un récipient en argent il met dans son ventre du feu de l'enfer rapporté par البخاري ومسلم. قال ابن قدامة في المغني فالنهي فنهى والنهي يقتضي التحريم. L'interdiction, si le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait interdit les récipients en or et en argent implique l'interdiction religieuse, le tahrim, d'accord? Le fait que c'est illicite, le fait que ça soit illicite, ça implique que c'est illicite. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah, wa al-illatu fi tahrim al-shurb fiha ma yatadammanahu dhalika min al-fakhr wal-khuyala. Il dit, l'interdiction de boire, la cause de l'interdiction, ici c'est une interprétation des ulémas, les ijtihad, ils disent la cause de l'interdiction de cela, c'est quoi? C'est que ça implique l'orgueil, et que ça casse le cœur des pauvres. D'accord? Et ça attache sans aucun doute à la vie de ce dunya, d'accord? La personne qui boit ou qui fait le wudu dans des récipients d'or et d'argent. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. قال ابن القيم رحمه الله والصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما استعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعجلها من الآخرة وعاجلها ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة في زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله تعالى dans زاد المعاد il a expliqué, il a dit quoi? La vie le plus juste, c'est que la cause de l'interdiction, et Allah est le plus savant, c'est que le fait de boire et de se purifier dans des récipients d'or et d'argent, ça s'oppose à la servitude du cœur que doit avoir tout musulman envers Allah Azza wa Jalla. Et ça, pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces récipients, ils sont pour les mécréants de cette vie d'ici-bas. Et ils seront pour les croyants dans la vie de l'au-delà. Pourquoi? Parce que les mécréants, ils n'ont pas la servitude envers Allah dans ce monde. D'accord? Alors que nous, on a une servitude envers Allah volontaire. On a choisi de se soumettre à Allah et de l'adorer seul, sans associer, et de mécroire à tous les tawarites de la terre. Donc celui qui utilise cela dans cette dunya, il n'est pas un serviteur d'Allah. Et par contre, celui qui les utilisera dans l'akhirah comme récompense, c'est celui qui aura été un serviteur d'Allah dans cette vie. C'est le sens approché des paroles d'Ibn Qayyim. Rahimahullah. وهذا يكون في استعمالها كآنية للأكل والشرب ولغيرها من الأغراض المختلفة وإنما ذكر الأكل والشرب في الحديث لأن الأصل في الآنية أنها صنعت لذلك فخرجت مخرج الغالب. يجي l'interdiction c'est dans le مختصر. Il dit l'interdiction c'est le fait de l'utiliser pour manger ou boire ces récipients là et pour toute autre sorte d'utilisation. Ici, والتزين بها للنساء في حليهن جائز لا حرج فيه. Par contre, le fait de s'embellir pour les femmes avec l'or et l'argent, il n'y a aucun mal en cela. D'accord? Le fait de mettre de l'or et de l'argent pour les femmes, il n'y a aucun mal en cela. أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب المطلقة. أما الفضة فيجوز للرجل اتخاذها خاتمة واختلف فيما عداه. Il dit en ce qui concerne les hommes, il est haram pour eux de mettre des bijoux en or. C'est haram. Et il est permis de mettre une bague en argent. Et il y a divergence dans les autres bijoux. D'accord? Moi, je vous le dis, Ikhwan, alors la boucle d'oreille, n'en parlons même pas. Un homme qui porte une boucle d'oreille, mukhannath, efféminé. La ajouz, haram, la ajouz. Ou amin khasa et semnissa. Ça fait partie des caractéristiques des femmes. Quant à la silsila, la chaîne, excusez-moi, je pense pas qu'il y a aucun de vous qui en a eu. La chaîne, pareil, takhannath. C'est de l'efféminé, le fait de mettre une chaîne autour du cou. C'est pas connu chez les musulmans. Les chaînes autour du cou, chaînes d'argent, chaînes en or, haram. Chaînes en argent, ou collier, ou ce que vous voulez, c'est pas connu chez les musulmans. Quoi? Les bracelets de même. L'homme ne porte pas de bijoux, si ce n'est une montre, pour avoir l'heure. Et comme ça, le khatim, ça, c'est sunnah. On peut rien dire sur ça. Thalith من توضى بماء موضوع في آنية الذهب والفضة مع علمه بالتحريم فهو آثم. Quant à celui qui fait le wudu dans un récipient d'or ou d'argent et qui connaît l'interdiction, il est pécheur. Le khilaf, c'est quoi? La divergence, c'est est-ce que son wudu il est bon ou pas? D'accord? Est-ce qu'il passe ou pas? Est-ce qu'il est sahih ou pas? Est-ce qu'il est sahih ou fasid? D'accord? Beaucoup de ulama parmi les Hanabila considèrent que son wudu est batil. Il y a divergence dans le manhaj. Franchement, une personne qui fait ça, c'est un peu absurde. Pas le risque que son wudu ne passe pas. Si une personne y fait le wudu dans un récipient d'or ou d'argent. D'accord? Ne pensez pas, les récipients en or, objectivement, c'est pas très très répandu. Par contre, l'argent, ce qu'on appelle chez les Français, par exemple, l'argenterie, c'est des couverts en argent que les gens y mettent pour les fêtes ou quoi que ce soit. Si les gens ne savent pas, qu'ils sachent que c'est haram. Ceci est haram. Et c'est haram d'y manger dedans. Haram d'y manger dedans, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yajouzu tadbibu l'ina idhan kassara bi shay'i min al-fidda. C'est pas grave. Wadhalika bi shurutin arba'a. Antakuna dabba. Falou ju'ila ghita'a l'ina ou yadahu min fidda haram. Les ulama, ils ont trouvé une question qu'on trouve dans certains livres de fiqh. C'est si jamais il y a une partie d'un récipient qui se casse, est-ce qu'il est permis de le réparer, par exemple en mettant juste un peu d'argent dessus, par exemple de faire juste la réparation en argent? Les ulama ils l'ont autorisé, mais à des conditions, plusieurs conditions, quatre. La première, que ça soit juste une réparation. Il dit si par contre c'est carrément le couvercle du récipient, d'accord, ou la poignée du récipient, là ça devient haram, d'accord. Deuxièmement, ayakuna tadbiru yasiran, que cette réparation soit peu importante. D'accord? Tout à fait. Thalithan, ayakuna bifidda fa yakhruj bidhalika adh-dhahab. Ceci n'est permis que pour l'argent et pas pour l'or. C'est pas permis de réparer un or. On va le voir. Pourquoi? Rabi'an, ayakuna dhalika li haja, que ce soit vraiment en cas de besoin. Pas comme ça pour faire beau ou quoi que ce soit. Wa dalil al-hadith Anas ibn Malik anna qadh an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inkasara fattakhadha makana ash-sha'b. Comme quoi le prophète, son récipient s'est cassé et qu'il a pris une chaîne en argent pour la poignée. D'accord? Il dit en ce qui concerne utiliser de l'or dans certains cas, on va voir dans quel cas, c'est permis vraiment qu'en cas de darura, c'est-à-dire en cas de nécessité. Et darura en arabe, c'est quoi? C'est une chose qui rend permis, dans certains cas, les choses interdites. Le meilleur exemple de darura, c'est quoi? C'est la personne qui est en train de mourir de faim, il a le droit de manger du porc, comme c'est autorisé dans le Coran, ou de manger de la jifa, etc., etc. D'accord? Le dalil de ce qu'on vient de dire, c'est quoi? Hadith wa arfaja ibn as'ad annahu quti'a anfuhu yawm al-kulab fattakhadha anfan min warq yani fidda fa'untina alayh fa'amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yattakhidha anfan min dhahab rawahu at-tirmidhi wa huwa hasan. La preuve, c'est le hadith de Arfaja, comme quoi pendant une bataille son nez a été coupé. Son nez a été coupé. Il a pris un nez en argent. Warq. Le problème, c'est que ça sortait une très mauvaise odeur. D'accord? Ça sentait très mauvais. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de prendre un nez à mort. De prendre un nez à mort. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a maintenant, les prothèses, le plastique, ou je sais pas ce qu'ils mettent, vous voyez ce que je veux dire? Ou la chirurgie, Quinzièmement. Jouloud ul-meytati tutharu bil-dabr. لكن يشترط في هذه الميتة أن تكون من الحيوان الطاهرة في حال حياتها وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأحمد في الرواية الأخيرة عنه كما جاء في الإنصاف وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. La peau des animaux morts. La peau des animaux morts, si elle est tannée, elle libère, c'est permis. Par exemple, les manteaux en cuir ou les chaussures en cuir. C'est tanné, d'accord? Mais la condition, c'est quoi? C'est que l'animal soit permis si, lorsqu'il est vivant. Ça veut dire quoi? Que ça soit du cuir de mouton, je ne pense pas que ça se fait, mais de veau plutôt, ou de vache. Pas du cuir de porc. Ceci est l'avis de la plupart des ulama, comme Shafi'i Ahmed dans une version qui a été vérifiée dans l'Insaf de Mardawi. والدليل على طهارة جلد الميتة بالدبغ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر رواه مسلم. الحديث ابن عباس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال lorsque la peau est tannée elle devient pure. Rapporté par Muslim. D'accord. Donc la peau lorsqu'elle est tannée. Le tannage, c'est quoi? C'est amener des produits, à l'époque c'était des produits naturels, maintenant c'est plutôt des produits chimiques, et la faire sécher. Donc ça enlève la cause d'impureté. La cause d'impureté étant le sang. Les impuretés étant le sang d'Al-Meïta. Donc lorsqu'elle est tannée, ça devient permis. C'est l'un des avis de l'imam Ahmed rahimahullah, et c'est la preuve, c'est le hadith de Muslim. Le dernier point qu'on cite dans le chapitre des récipients, c'est un point important. قال ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة إلى جيد عمدة الفقه واستعمال ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. Il est permis d'utiliser les récipients des gens du livre et leurs vêtements tant qu'on n'est pas sûr ou qu'on ne sait pas qu'ils sont impurs. Heureusement pour nous, alhamdoulilah, parce que tous les habits qu'on achète et tous les récipients qu'on achète, ou lorsqu'on est invité des fois chez la famille, par exemple, ceux qui ont de la famille qui ne sont pas musulmans, alhamdoulilah, d'accord? C'est permis de les utiliser tant que tu ne sais pas qu'il y a de l'impureté. Si tu sais que dans ce verre il y a eu du vin juste avant, tu ne bois pas dedans. Tu le laves et après tu bois. On va voir les hadiths sur cela. An Jabir ibn Abdillah, qala kunna naghzu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه أحمد وأبو داود. جابر بن عبد الله rapporte: nous partions au jihad avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenions, c'est-à-dire un butin de guerre, des récipients des mushrikines, d'accord, et nous les utilisions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous reprochait pas cela. Ce hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. قال الشوكاني حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه واستدل به من قال بالطهارة الكافر وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي. الشوكاني لدينا من الأوطار حديث جابر a été rapporté aussi par ابن أبي شيبة. Il a été pris pour preuve pour dire que les mécréants sont purs. Ça veut dire quoi? Allah il dit dans le Coran, innamal mushrikuna najas. Hein? Innamal mushrikuna najas. Les polythéistes ou les idolâtres sont impuretés. Qu'est-ce que ça signifie? Leurs croyances sont impuretés. Le shirk, il est impur. Le shirk akbar, c'est, leur croyance est impure. Mais leur corps, ils sont pas impurs. Ils sont purs. D'accord? Sauf s'ils ont de l'impureté qui est connue. D'accord? Et ceci est l'avis, comme il dit Ibn Shawkani, de la majorité ou de la grande majorité des salafs et des khalafs. Comme l'a dit Ibn Raoul. D'accord? Je m'en ai l'entendu. Wa an Abi Tha'lab taqal, qultu ya Rasulallah, inna bi ardi qawmin ahli kitab. أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا. قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ولم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. أبو ثعلبة rapporte. Je dis au messager d'Allah, nous sommes dans une terre des gens du livre. Ils vivaient dans une terre où il y avait beaucoup de gens du livre. Est-ce qu'on mange dans leur récipient? Il dit, si vous trouvez d'autres récipients, ne mangez pas dans ces récipients. Si vous n'en trouvez pas d'autres, lavez-les et mangez de l'eau. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي وقال مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت ولنا أن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه فأشبه ما نسجه الكفار في المغرب. ابن قدامة الإيلاني رحمه الله. Nous ne connaissons pas de divergence parmi les gens de science comme quoi il est permis de faire la salat dans un vêtement qui a été fabriqué par les mécréants. Alhamdulillah, tout ce qu'on porte c'est fabriqué par les mécréants. Il dit ensuite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons portaient des vêtements qui avaient été fabriqués par les mécréants. D'accord? En ce qui concerne des vêtements qui ont été portés par un mécréant, là on parle fabriqués. D'accord? Ibn Qudama, il dit, Al-Thawri, Soufiane Al-Thawri, parmi les salafs et les gens de Ra'i et de l'opinion, les gens d'Abu Hanifa, ont permis la prière dans les vêtements qui ont été portés par les coupables. Malik a dit, il a le droit de porter ce vêtement, mais s'il fait la prière, il doit refaire sa prière. D'accord? Ça, c'est l'avis de l'imam Malik. Mais Ibn Qudama a dit par la suite, mais nous disons que la base est la pureté. Et il n'y a pas de preuve que ce vêtement est pureté. Ça veut dire, les vêtements, même s'il a été porté par un kafir, il est permis de prier avec. D'accord? Et de manière générale, الأصل الطهارة ما لم يتيقن النجاة. La base sur les choses c'est la pureté tant qu'on n'a pas la certitude de l'impureté. D'accord? C'est-à-dire tout est considéré comme pur sauf si on a la preuve réellement que la chose est impure parmi les vêtements, parmi les endroits, parmi les etc etc. قال ابن قدامة رحمه الله وغير أهل كتابه المجوس وعبدة الأوثان ونحوهم فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة أما أوانيهم فقال القاضي لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائح ميتة فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها وقال أبو الخطاب حكمه حكم أهل الكتاب وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن نجاستها وهو مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة متفق عليه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. Il dit, Ibn Qudama rahimahullah, ça on vient de parler des gens du livre, juifs ou chrétiens. Il dit, en ce qui concerne les autres mécréants, comme les majous, les adorateurs d'idoles, ou les murtadines à notre époque, leurs vêtements sont comme les vêtements des gens de la Dhimma, c'est-à-dire comme les vêtements des juifs et des chrétiens. C'est la vie le plus juste. D'accord? En ce qui concerne leurs récipients, certains ulémas ont dit, il faut les laver parce qu'ils pratiquent, ils mangent des impuretés, etc., etc. Un savant qui s'appelle Abu al-Khattab, il a dit, parmi les savants du Madhab Hanbali, il a dit, ce sont comme les gens du livre, d'accord? Leurs vêtements et leurs récipients sont purs, et il est permis de les utiliser, tant qu'on n'a pas la certitude qu'ils sont impurs, tant qu'on n'a pas la certitude qu'ils sont impurs, et ceci est l'avis de Shafi'i, et la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le wudu d'un récipient d'une mouche. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفر الله والله أعلم.